Je suis en Indre-et-Loire et ça merde complètement. Moi, je suis chez Orange. Non, non, pas Free. Free passe pas chez moi. Ah, moi, je suis en pleine cambrousse. Je suis chez Orange. Il n'y a que ça qui passe ici. Mais tout à l'heure, là, j'étais sur un site et ça merdait complètement. Hein. Oh, c'est pas ça. Les services de l'État français sont minables. Non, non, c'est qu'il y a beaucoup de monde, c'est tout. C'est les vacances. Il y a beaucoup d'étrangers et tout ça. Et tout ça, ça communique par Internet. Hein. Thank you. bien, bien cool, ça. Tu veux pas déménager par chez moi, je cherche un guitariste. Je suis en Indre-et-Loire, malheureusement. Mais j'ai un camping-car qui permet de descendre dans le sud pour aller jouer. Je trouve que des mecs qui veulent pas lâcher leur guitare électrique. Thank you. I saw her leave the garden with some apple in his head. J'arrive.